mes doigts, les moyens de confondre votre visage et la Joconde. Surtout comprenez-moi, il y a dans vos doigts les moyens de répondre à cette invitation profonde. Faut-il vous menacer? Faut-il vous menacer? Que le temps n'est pour moi qu'accessoire immobile, je l'ai redouté Sibylle. Surtout comprenez-moi, car lorsque je vous vois, j'imagine immobile pour que votre hymne soit utile. Faut-il vous menacer? Enlacer. Madame, consentirez-vous à m'aimer demain? Madame, consentirez-vous à parler enfin? Madame, consentirez-vous à m'aimer demain? Madame, parler enfin, madame.